Le docteur Cottard, qui, appelé en province pour un cas grave, n'avait pas vu les Verdurin depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Chatou, dit, le lendemain de ce dîner, en se mettant à table chez eux, « Mais est-ce que nous ne verrons pas M. Swann ce soir ? Il est bien ce qu'on appelle un ami personnel du... »« Mais j'espère bien que non !» s'écria Mme Verdurin. « Dieu nous en préserve. Il est assommant, bête et mal élevé. » Et il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin. Alors, ce salon, qui avait réuni Swann et Odette, devint un obstacle à leur rendez-vous.